Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien en direct de Cartable FM 93.3 et vous écoutez la sixième édition de Let's Talk, le grand retour de Let's Talk pour 2020 et on vous souhaite une bonne année, bonne l'équipe année de Let's Talk, enfin on est deux. Et grosse et équipe. C'est ça. Et on invite aujourd'hui le groupe 3ème Dessous, bonjour à vous. Et bonjour. Et pour commencer, on ne change pas, une équipe qui gagne. Romain, tu peux nous faire tes 2 minutes d'info culturelle. Eh bien, merci Sacha. Donc, commençons par le classement des 10 auteurs les plus vendus en 2019. Nous retrouvons pour la 9e année consécutive avec son nouveau livre « La vie secrète des écrivains » paru en avril 2019. Guillaume Musso. Merci, je n'avais pas décrit. En tout, pardon, cet auteur aura cumulé seulement entre guillemets 1,4 million d'exemplaires de ses ouvrages. En effet, seulement, le nombre de ventes du tome 10 des romanciers a énormément diminué. D'habitude, il représentait le quart de la fiction française. Maintenant, il ne représente qu'un cinquième des plus vendus. À la suite de ce classement, nous pouvons retrouver Michel Bussy, Virginie Grimaldi ou encore Marc Lévy. Pour continuer, selon une étude, le nombre d'oiseaux communs diminue dangereusement en ville comme en campagne. Par exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on constate une diminution de 5% pour tous les oiseaux. Parmi eux, une baisse de 17% pour les hirondelles et le moineau friqué qui a perdu 80% de sa population en 20 ans. Cyril Frey, chargé d'études à la Ligue pour la protection des oiseaux, cite, je cite, « Tout le monde peut aider pour la sauvegarde de notre environnement, comme par exemple implanter plus d'espaces verts en ville, laisser pousser les mauvaises herbes au pied des arbres. » Fin de citation. Et pour finir, le studio 20th Century Fox change de nom. Sous l'impulsion de son nouveau propriétaire Disney, le célèbre studio de cinéma hollywoodien va devenir 20th Century Studio. Selon des médias américains, Disney aurait décidé de changer le nom du studio pour qu'il ne soit plus associé à la grande chaîne Fox, mais aussi et surtout à Fox News, la chaîne d'information en continu jugée proche des milieux politiques conservateurs et notamment du président américain Donald Trump. J'ai adoré la transition entre les livres et les hirondelles. Ah, oh, moi aussi. Tu peux continuer si tu veux avec le petit « Le saviez-vous ?» si tu peux réexpliquer le principe aux auditeurs. Alors le principe du « saviez-vous » c'est qu'on va vous remémorer de vieux événements qui se sont passés les mêmes dates de l'émission, aujourd'hui nous sommes le 22 janvier, ou les dates futures. Par exemple, le 22 janvier 1981, nous avons la série américaine Dallas qui a fait son apparition sur les écrans français sur TF1. Ensuite, le 27 janvier 1648, alors ça remonte un petit peu plus longtemps, nous avons eu la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Française, bien sûr. Et à la fin, nous avons eu le 29 janvier 1959, la sortie de ce beau dessin animé, La Belle au bois dormant, de Walt Disney. Voilà. D'accord. Alors, je l'ai déjà dit, on accueille aujourd'hui le groupe 3ème Dessous. Et pour faire la transition entre les petites informations et l'interview, je vais proposer aux auditeurs d'écouter un premier morceau que je vais vous laisser présenter. Donc le premier délit d'absence ? Non, c'est alors... on va commencer avec celui dont j'ai parlé juste. D'accord, Punis-moi. Punis-moi, sur Cartable FM. Devant vos vitrines, visage blême, j'aurais pu pleurer toute ma peine quand j'ai vu le reflet de ma si grande chance sur sourire glacé, mais quelle démence. Ouvre-moi les bras, que je t'accueille dans un coffre-fort en forme de cercueil. la porte, je n'ai plus de feu, ni la flamme d'ailleurs au bord de mes yeux. Je préfère encore rater la terre. Je préfère encore rater la terre. Le cœur noble de ma misère. Sur ces grands mots, on fait quoi alors? On joue au loto, criant le très haut. Mais quel triste sort, le gagnant est mort. Ce matin très tôt, j'ai viré de bord. Merci pour ce sale boulot. J'irai en avance, en blanc m'en faut. Je m'installerai là, dans ce linceul. Je n'aurai pas froid, je n'y serai pas seul. Nous nous réchaufferons, ramassant les miettes. Le bonheur en prime, le bonheur en dette. D'abord que je comprenne d'aller voir ailleurs si j'y suis sans peine. Ouvre-moi la porte, je n'ai plus de feu, ni la flamme d'ailleurs au bord de mes yeux. Punis-moi d'abord que je comprenne d'aller voir ailleurs si j'y suis sans peine. Ouvre-moi la porte, je n'ai plus de feu, ni la flamme d'ailleurs au bord de mes yeux. Revu la flamme de nos aïeux, à quatre pieds sous terre, insatisfait de nous voir se taire. En ramassant les miettes à l'emporte-pièce, on fait quoi de l'or quand on est mort? Vous écoutez toujours Cartable FM 93.3 pour le Let's Talk 6. Et on arrive maintenant dans la période, dans le temps de l'interview. C'est l'heure. Et d'abord, je vais vous demander de vous présenter rapidement votre nom, votre prénom, pour commencer. Qui veut commencer? Je commence. Donc moi, mon prénom, c'est Angeline. Donc là, je suis au chant et voilà. Ensuite, le reste de l'équipe va se présenter. Moi, c'est Nico et je suis à la basse. Moi, c'est Eric et je suis au 16 électrique. Ok. Depuis combien de temps l'aventure 3e dessous a commencé? A commencé d'abord un petit peu officieusement, puis officiellement, comme j'ai cru comprendre au début de l'émission. Eh bien, écoute, ça fait à peu près un an qu'on travaille sur l'idée de monter un projet. Tous les trois, on a mis un petit peu de temps à trouver un esthétique, quelque chose qui nous correspondait bien. Et puis, on est resté un petit peu en sous-marin, le temps d'écrire un répertoire, de travailler sur du visuel et de se projeter un petit peu sur l'avenir de ce projet-là. Et officiellement, ça a commencé tout début 2020, par la création tout simplement d'un Facebook, de la mise en ligne d'un clip et d'un Bandcamp. Et pourquoi ce nom, 3e dessous? Pourquoi avoir choisi ce nom particulier? Parce que l'expression, déjà, je la trouve... elle me plaît. On peut l'utiliser sans vraiment connaître le sens avec « je suis au 3e dessous », enfin, être un petit peu plus bactère ou parfois être dans une situation d'échec. J'aime assez qu'un groupe de musique puisse se dire que nous, en fait, on est un peu en dessous, sous plateau, quoi. Enfin, voilà, c'est une expression qui est utilisée au théâtre, normalement, en fait, tout simplement. Les artistes étaient dans les caves, en fait, trois niveaux en dessous. Voilà. D'accord. Comment vous qualifiez votre style de musique? Eric, allez. On a mis électro punk rock. Parce que ça mélange des choses qui appartiennent à ces trois styles-là. D'accord. Est-ce que vous avez déjà enregistré des morceaux? Déjà, c'est une question que je pose, mais dont je connais la réponse. Mais c'est un petit peu plus pour les auditeurs, parce qu'on a écouté Punis-moi. Mais est-ce que vous avez enregistré d'autres morceaux, un album ? Eh ben, écoute, on a officiellement enregistré 3 morceaux par nos soins, voilà, qui sont à l'état de démo un peu avancé. Et donc, on en est là pour l'instant. Tu vois, ça va être un peu sur ces 3 morceaux-là qu'on va essayer de se faire connaître et puis démarcher, quoi, tout simplement. Après, on n'exclut pas dans les mois à venir d'enregistrer un peu plus officiellement, voilà, d'autres morceaux. Est-ce que cet album démo, cette démo est disponible à l'écoute ou sur quelle plateforme, etc. Bah, disponible sur Bandcamp, sous le nom de Troisième Dessous, du coup, pour juste la démo en numérique, et ensuite bientôt avec un CD matérialisé. Quoi. Voilà, fait par nous-mêmes, du coup. Ouais. Et donc, on a écouté Punis-moi. De quoi parle vos. Quelle est votre ligne directrice ? De quoi parlent vos chansons ? Quel est le but ? Bon, bah, sur la partie du texte, je vais répondre. Punis-moi particulièrement du monde du travail. Voilà. Et après, simplement, bah, c'est à chaque fois un peu des témoignages, en fait, sur des parcours, sur ce qu'on peut traverser de compliqué. Après, je dirais pas que c'est foncièrement joyeux en termes de texte. Non, ouais, on a mais justement, c'est de donner voix à ce que parfois on ne dit pas ou qu'on n'arrive pas à dire, et puis de se reconnaître là-dedans. On n'est jamais seul là-dedans. Voilà. Enfin, c'est comment je peux résumer. Mais Punis-moi, c'est le monde du travail. Voilà. D'accord. Comment on se débrouille quand on est un groupe naissant comme ça? Pour enregistrer et sortir l'album, comment on communique, comment on l'enregistre, juste matériellement parlant aussi. Et ben, en fait, en amont, il y a déjà tout un travail de répétition, toi, de recherche musicale, voilà, à la fois dans les mots, trouver une intention commune, ça c'est ce qui donne un son aussi au groupe. Une fois qu'on a franchi cette étape-là, qui peut se passer en répétition, en collectif et ou avec chacun d'entre nous séparément. Aujourd'hui, avec les outils modernes et notamment chez Eric, on a un petit home studio qui permet aussi chacun un peu de travailler chez soi, de renvoyer des parties, de réfléchir, tu vois, un petit peu avec du recul. Mais malgré tout, on a été un groupe assez instinctif où dès qu'on a trouvé la bonne formule, voilà, on a répété beaucoup et puis on s'est retrouvé chez Eric et Eric peut raconter la suite peut-être, voilà. Je sais pas. On a beaucoup répété surtout. En fait, on a fait les choses par plaisir, donc du coup assez spontanément à chaque fois, mais toujours avec une régularité de travail, donc on se voit toutes les semaines. Après, mettre en place matériellement les choses, c'est à un moment donné, après avoir suffisamment répété, le fait qu'Eric ait effectivement du matériel pour enregistrer. À nous trois, en fait, on a tous un peu de matériel, donc en fait, ça nous rend autonomes, et c'est notre souhait aussi, ouais, de faire les choses par nous-mêmes, tant qu'en tout cas, on en est là. Ça permet de faire les choses simplement et de ne pas les rendre plus complexes. Donc après, on a enregistré et après, bah, on continue. Là, pour les CD, on va faire nous-mêmes. Moi, je dessine, donc là, j'ai fait le visuel. Du coup, on va faire les pochettes, et etc. Voilà. Tout homemade, comme on peut dire. C'est ça. C'est bien, c'est génial. Est-ce que vous êtes, pour commencer, inspiré d'un groupe, d'un chanteur, d'un groupe ? Qu'il y a quelqu'un qui vous a motivé à commencer ? D'un groupe, je crois pas. Pas vraiment, je crois qu'on... Enfin, après, on a individuellement, je pense, chacun a eu des envies, tu vois, liées à des groupes qu'on a pu écouter, mais on s'est pas tous les trois réunis en se disant « Ah, on veut absolument faire comme cet artiste-là. » Oui, normal. Voilà. Tu vois, on a... Ah, ouais. Après, on a des influences, par contre, qui font que Troisième Dessous sonne comme ça aujourd'hui. Ces influences, c'est quoi ? Comment vous pourriez les qualifier, enfin... Eh ben, on peut en citer quelques-unes. Moi, je sais pas. Moi, je suis bassiste depuis très longtemps et plutôt rock, voire assez punk sur des trucs. Mmh. Donc, ça peut aller pour ma part, à des groupes comme. Je serais fan de New Order, par exemple, mais je peux aussi être très fan de Motorhead. Voilà. Donc, je vais chercher des sons assez mélodiques et en même temps très. Très, très solide, très charpenté. Donc ça va être un peu mon pôle dans ce projet-là. Alors, en titre personnel, je fais d'autres choses, mais pour ce projet-là, c'est un peu ces influences-là qui vont ressortir. Voilà, des groupes aussi comme Vouvenen, mais je sais que mes deux compars ont d'autres choses qui les ont amenés sur ce terrain-là. Eric joue aussi d'un instrument particulier qui s'appelle du saz. Donc tu peux peut-être nous en dire plus. Oui, bah, c'est un instrument turc. Donc du coup, bah, ça a une sonorité particulière, ça a des cordes doublées. Donc après, je l'utilise plus d'une manière rock, donc ça, le côté oriental ressort pas spécialement trop, quoi. Mais il y a quelque chose quand même dans le son qui est différent. Pardon. Et puis au niveau des influences, moi je citerai, je citerai Sonic Youth, Blonde Redhead, hein, dans le côté un peu dissonant, je crois qu'on aime tous. Oui, on est assez d'accord là-dessus. Et ben moi je propose d'écouter un autre morceau qui s'appelle Délit d'absence. Est-ce que vous pouvez nous en parler très très brièvement? Délit d'absence, c'est simplement le délit d'absence qu'on peut ressentir quand une personne nous manque ou qu'il y a des passages difficiles et qu'on peut manquer aussi à soi-même, tout simplement. C'est un délit d'absence, et délit d'absence au sens où il y a un jeu de mots avec les lits et le délit. Ok, complexe. Et bien on va écouter ça sur Cartable FM 93. Absence, où va le sens de mes mots, délit entier d'incohérence, comme c'est beau. Déni de l'enfance, l'intolérance sur le dos, l'insuffisance. À la peur alimente l'espoir et l'enfer. Délit d'absence, délit d'absence. En dépit de mémoire, jeter à l'eau les armoires, ramer les envies. Délit de stupeur, quand je tourne le dos, des puits entiers que vivent. Dépit et tornade, sourire blafard, une blague sans chute, c'est beau. Délit de sueur avalée dans la nuit, folie mensongère, qu'il vaut mieux taire. Délit d'absence, délit d'absence, un pas de plus, j'ai peur, un pas de moins. J'ai peur de plus écouter danser. Un pas de plus, un pas de moins. Ne plus écouter, ne plus écouter. Ne plus s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser, s'écouter penser. Vous êtes toujours en direct de Cartable FM 93.3 pour Let's Talk 6 et on est toujours en compagnie du groupe 3ème Dessous. à ma droite, à ma gauche, à ma en face, voilà. Et donc vous avez comment vous communiquez avec votre communauté un petit peu, quels réseaux sociaux, etc. On en parlait pendant la pause de la communication avec nos outils de maintenant. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube, une page Facebook? Oui. Voilà. On a une chaîne YouTube, un Facebook, le Bandcamp, un SoundCloud, ouais. Aussi. On a le site internet là, qui arrive, enfin qui est là, mais qui va se mettre en partage bientôt, je pense. Ouais, et... voilà. Instagram. Après, c'est un petit peu tous les outils nécessaires en fait aujourd'hui. Ouais. Tu vois, c'est pour un communiquer. Peu. Ouais, on n'a pas trop le choix en fait. Il faut avoir cette base là pour pouvoir être visible, communiquer, être écoutable aussi assez facilement. Bah, puis surtout s'occuper du réel après, aller jouer et rencontrer les gens. Du coup, une fois que ça s'est posé, on a les moyens de communiquer simples et ensuite on s'occupe surtout de la musique. Ouais, c'est ça, le plus important. Voilà. Et tu as parlé de jouer, de représentation un petit peu. Est-ce que vous prévoyez des choses? Est-ce que vous commencez déjà à communiquer avec, avec des salles? Ou des bars, des... Écoute, on est en pourparlers. Donc l'Olympia nous a dit non. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais dommage. Franchement. Mais ouais, on a quelques pistes là qui sont intéressantes. Voilà. On attend des retours, enfin des réponses pour l'instant. Comme on a déjà fait d'autres choses à côté, du coup, on profite aussi un peu de notre réseau pour ce projet-là. Donc on va voir un peu ce que ça donne. On aura peut-être des concerts à partir de mars avril. Voilà. D'accord. Ok. Et est-ce que des futurs morceaux sont à sortir en préparation? Oui, en fait, on a déjà d'autres morceaux qui ne sont pas enregistrés, mais qu'on... Enfin, on a déjà une liste de concerts de 7 morceaux, en fait, oui. Et quand même, oui. Ils sortiront, mais en live. Voilà, oui. Pour l'instant, ça sera à vivre et à venir voir en concert. Encore mieux, ouais, carrément. Est-ce que... Là, le groupe est créé, a été diffusé officiellement. Est-ce qu'il y a d'autres projets à suivre? Qu'est-ce que vous projetez? Comment vous projetez en tant que groupe? Écoute, il y a plusieurs niveaux, quoi. Tu vois, la première projection, elle est vraiment d'exister en live. Alors officieusement, on a déjà fait un concert, voilà. Mais officieusement, dans les Ardennes, voilà. Et, pour des raisons. Privé, on va dire, mais voilà, et qui nous a permis de nous tester devant des gens de confiance, c'était plutôt sympa. Donc là, c'est vraiment de faire du live principalement, et puis s'entourer si possible de partenaires qui nous aideront à aller plus loin. D'accord. On va finir, je pense qu'on est pas mal là au niveau du temps, est-ce qu'on va finir, je vais recommencer, on va finir notre interview avec une nouvelle mini chronique qui s'appelle Lancer les platines, et je vais vous demander à chacun des titres que vous aimez, et en l'occurrence on va commencer par le titre que vous aimez pour danser. Qui commence? Ok, je me lance. Alors moi, sur Dead Can Dance, sur un album particulièrement qui s'appelle Toward the Within. À découvrir, je te noterai si tu veux. Il faut écouter ça. Ok, j'écouterai. Peut-être que je connais de musique, mais le titre, pas du tout. Ok. Et écoute, pour moi, pour danser, c'est notamment sur Rage Against the Machine, Killing the Name Of. Voilà. J'aime beaucoup danser sur ça. Et moi, ce sera sur Hypercult. Mais je n'ai pas le titre. Ça doit être le deuxième ou le troisième. Le deuxième ou le troisième du dernier album. Enfin, du deuxième album. Ok. Que bien punk. Alors ensuite, on va redescendre un petit peu. Et est-ce que vous écoutez de la musique pour vous endormir? Alors moi, plus maintenant, mais ça m'est arrivé. Donc voilà, mais dans ce que j'écoutais, effectivement, une artiste que j'affectionne d'ailleurs, pas que pour s'endormir, pour plein de choses, Lhasa, Décéla. Voilà. À noter aussi, je pense. Ouais, je vais te donner. Prends des notes, Sacha. J'ai un stylo à la main. C'est bon. Pour moi, ça a été pareil, j'en écoute plus maintenant, mais ça a été longtemps Passion de Peter Gabriel, qui était la BO du film de Martin Scorsese, Les Dernières Tentations du Christ. Tout un programme, mais c'est une BO que je trouve fabuleuse, voilà. Donc ça me faisait du bien. Donc encore une BO et un film à regarder. Ça va, la liste s'allonge, mais... Et ce n'est pas fini. Ça va. Il en reste. C'est pour ça que tu fais une émission comme ça. C'est pour découvrir des choses. Carrément. Finalement. Et moi, c'est un groupe que tu vas sûrement pas connaître, qui s'appelle White Shores, un groupe ambiante français. Ça commence à dater un peu, Mais c'est très bien pour redescendre. Pour s'endormir, à vaquer au pays des rêves. Et pour finir, un son que vous aimez pour un dîner en amoureux, pourquoi pas ? Ou un dîner avec votre guitare ? C'est la colle. C'est une colle. Pas de dîner en amoureux, donc. Tu fais plus de dîner en amoureux ? Non, j'ai pas d'idée, là. Bah moi, ça serait un artiste ukrainien, mais qui tourne dans le monde entier, qui s'appelle Esta Stone. Qui fait de la guitare classique un peu ambiant, on va dire, et que je trouve juste super. Enfin, il a une technique phénoménale. Et au service de la musique, donc ça serait... Ah, tu notes, hein, Esta Stone. Je te donnerai les références. Je veux bien. Je sais pas trop... C'est pas grave. Et toi, Romain? Parce qu'on t'entend pas, mais je suis sûr. Moi, je travaille pendant ce temps. je m'ai dit que je ne travaillais pas. Hein. Tu te rattrapes? Beaucoup, je me rattrape. Non, j'en ai pas là. J'en ai pas du tout. Et toi, Sacha? Et moi, je sais pas. Une musique pour un. J'y ai pas réfléchi. C'est vrai que je pose la question aux artistes, mais. C'est vrai. Toi aussi, t'es un artiste? Ouais, non. Non, pas encore. Ah, si. Je vais vous dire, à part si Romain a des questions. J'ai toujours des questions. C'est une bonne question pour conclure d'ailleurs. Est-ce que vous avez des futurs projets ou quels sont vos futurs projets pour l'avenir? Je l'ai demandé, non? Ah si, oui. Non, tu l'as pas demandé. Non, je l'ai pas demandé. Alors qui répond? On fait la plouffe, si vous voulez. C'est surtout chercher des concerts pour l'instant. Ça, c'est l'étape suivante. Oui, principalement, ouais. Oui. Oui, c'est ça. Après, les projets sont... Tu vois, on envisage... On sait que d'ici un an, on aimerait enregistrer sûrement un vrai album. Oui, avec tous les morceaux. Ça va être aussi... Écrire deux, trois nouveaux morceaux aussi, pour avoir aussi une liste de concerts où on peut aussi vraiment partager un peu plus de notre univers, quoi. Étoffer l'univers. Angeline, sûrement continuer à dessiner, parce que donc elle fait aussi toute la part visuelle du projet, tu vois, donc ça va être aussi aller plus loin, en fait. Oui, des idées de clips, mais pour le plaisir, vraiment. Mais vous préférez devenir... rester des petits artistes ou essayer d'être connu du grand public? On hésite. Parce qu'on a des avantages et des inconvénients pour les deux. C'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Vous savez pas ou... C'est pas nous qui décidons, peut-être aussi. D'accord, c'est vrai. Ça y est, on ira là où le projet doit aller. Oui, en fait, voilà, tout simplement. De faire vivre le projet, et normalement, s'il a à vivre, il vivra, quelle que soit la forme. Quoi. Bon, on espère qu'il vivra. Et puis, dans 5 ans, on le retrouvera à l'Olympia. Oui. Et dans 10 ans, au Stade de France. On verra, qui sait. je vais vous dire un grand merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Cartable FM merci pour ce Let's Talk. On va finir cette interview avec le troisième et dernier morceau officiel qui est déjà sorti et disponible sur Bandcamp, qui s'appelle Enfermement, si vous pouvez en dire deux, trois mots. Pareil, au niveau des paroles. Au niveau des paroles, c'est vraiment les personnes qui traversent des moments d'angoisse dans leur vie, en fait, tout simplement. C'est de pouvoir traduire un peu ce moment-là. D'accord, on va écouter ça maintenant. Ai-je vraiment, suis-je porteuse à moi seule d'autant de peine? Je ne les nomme pas par dépit, mais pas par peur. Voir si le souvenir me fait défaut, ou c'est ma tête, où il y en a trop, et puis mon corps. Comme un fardeau se fait sentir, sonne l'alerte d'une masse inerte, un dépôt lointain qui tout à coup prend vie en vous. Un, deux, fermez les yeux. Trois, quatre, se débattre. Cinq, six, je glisse. Panique, trop d'invités à J'ai pas pris la mer, j'ai pas vu les batailles. Au fond de moi, qui se déterre. Je suis dans une rivière, et dans cet torrent, j'apprends à ne pas tenir à mes enfers. La peur, bien sûr, que l'inconnu frappe à la porte, ouvrez la fenêtre pour déclencher ce je ne sais quoi qui vit en moi. Lâchez les rênes, le cheval fou. La mer, j'ai pas vu les batailles. Au fond de moi, qui se déterre. Je suis dans une rivière, et dans cet torrent, j'apprends à ne pas tenir. Vous écoutez toujours Let's Talk sur Cartable FM 93.3 et je vais laisser la parole à Romain pour son actualité culturelle des deux semaines à venir. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Eh ben, je vous ai préparé trois sorties. Donc, nous allons commencer avec une sortie théâtre, la pièce En toute mauvaise foi au théâtre de l'Actalia à 21h. Le prix varie de 12 à 15 euros et c'est disponible du 23 au 26 janvier. Ensuite, je vous ai préparé de la variété française, pour changer. Mona, à l'épicerie sur le zinc, à 19h, gratuitement, et c'est le jeudi 23 janvier, c'est-à-dire demain, si vous nous écoutez en direct. Et enfin, nous avons Le Grand Tout, qui est toujours à l'épicerie sur le zinc, 19h, au chapeau, et c'est le jeudi 30 janvier. Et il y a aussi, prochainement, très très prochainement, on est le 22, et demain et après-demain, après-demain, à... Au théâtre de l'éphémère, il y a une pièce qui se joue qui s'appelle Temps moderne, qui se base un petit peu sur le film. Voilà. Je ne sais pas si tu l'avais dans tes notes. Non, je ne l'avais pas du tout. Mais voilà, c'est parce que je ne sais pas si tu te souviens, on a invité Valérie Dumédard. T'inquiète, je m'en souviens. Ah, ok, ça marche. Et voilà. Et donc, j'irai. Et bah, merci Romain pour ce petit panel d'informations culturelles. Et on va, comme on ne change toujours pas l'équipe qui gagne, on va continuer avec le tourne-disque, le fameux. Donc, je vais vous proposer cette semaine, pour commencer, le Beaujolais, un titre de La Rue qui est à nous, de leur album 2020, qui est sorti début janvier, le 10. On va écouter ça. Troisième jeudi du 11e mois, un cœur dans mon calendrier. Jeff, lui, il en a mis trois, c'est l'événement de l'année. On s'en fout si c'est de l'arnaque, comme on n'a pas de volonté. Le vin en vrac nous mettra en vrac, le Beaujolais nouveau est arrivé. Il y a des carreaux sur les nappes, des vers qui ne tiennent pas sur leurs pieds.